Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on donne le coup d'envoi de l'émission avec une nouveauté en provenance de Pologne. C'est le groupe Amarok qui présente un 7e album studio qui a pour titre Stay Human. On va avoir la pièce Hope. Et puis des États-Unis, Jen Getter Premonition, une guitariste américaine qui présente son 3e album Division World, une musicienne qui a fait ses débuts dans le monde du jazz en jouant notamment avec Lenny White. Par la suite, elle a ajouté à sa palette de couleurs le rock et le prog. On retrouve notamment sur cet album le claviériste Adam Oseman qui a accompagné à maintes reprises Steven Wilson sur scène et sur disque. Et puis de Norvège, Laughing Stock, un 7e album studio pour ces Norvégiens. L'album a pour titre Shelter et on aura la pièce A New Home. Et puis Marc, par la suite, on va avoir un groupe qui vient présenter son album le 19 mai dans le cadre du festival Terra Incognita. En effet, il s'agit de la formation montréalaise In Silva, composée de Tom Polichuk et de Will Régnier. L'album est paru hier, il a pour titre She, et on aura pour vous ce soir la pièce Sailing. Et ce sera suivi d'un multi-instrumentiste et compositeur français qui a pour nom Tom Penagouin. Et c'est son premier album éponyme qui vient de paraître. C'est un musicien qui a débuté tout jeune dans la musique, et déjà à l'âge de 15 ans, il avait une maîtrise professionnelle de la batterie, des claviers. Il a été influencé par la musique de Frank Zappa et de la scène Canterbury. Il a monté son propre studio maison avec du matériel analogique, et cet album-là est fortement influencé par la musique des années 70, des groupes comme Egg et National Health. Alors, on aura pour vous ce soir un premier extrait avec la pièce de Stove Packed Up and Left. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord le bloc musical avec la formation Amarok. The dark matter, stay human, human. In the age of fake, stay human, human. You walk astray, you lose the faith like humans, humans. Allow yourself to be yourself, free from strain. Confident. my emotions. Stuck in a confusion. Need a remedy, need a solution. Get off my feet, start the excursion. Advancing step by step, my thoughts I collect. To hell with these walls around me, all of the frontiers I reject. Nothing keeps me locked away. Now I'm sailing, no one complaining. Though I was ailing, I'm sick of this feeling. Now I'm sailing away towards healing. Facing a phase of deconstruction. Hesitation blurred my vision. Light gonna dwell my imperfections. Advancing step by step, my thoughts I collect. Hell with these walls around me, all of the frontiers I reject. Nothing keeps me locked away. Now I'm saving, no one complaining. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Du 10 au 14 avril, découvrez les différentes voies du 9e art à l'occasion du 37e Festival Québec BD. Expositions, ateliers, animations et spectacles, participez à des activités 100% BD aux quatre coins de la ville et venez à la rencontre d'une foule d'auteurs et d'autrices. Explorez toute la programmation de cette 37e édition au festivalquebecbd.com. Ici Raymond Poirier. En route vers le 37e Festival Québec BD, l'équipe de La Vie en BD vous offre, dans ses émissions du 2 et du 9 avril, une forêt de 2 heures dans la programmation de cet événement incontournable dédié à la bande dessinée dans la capitale nationale. 1 heure d'entrevue avec le programmateur de l'événement, coup de cœur de libraire passionné de BD, rencontre avec des auteurs et autrices autour de moments phares de la programmation et plus. Disponible en rattrapage sur ckrl.qc.ca ou au lavieenbd.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. La Rotonde présente Bordélique, un spectacle de danse qui plonge dans les rêves et cauchemars de la créatrice Mélissa Martin, alias Melmaze. 3 interprètes nous embarquent dans une épopée colorée et débordante d'énergie. Créatures fantastiques, danse urbaine, Bordélique, c'est un spectacle adressé à l'enfant qui sommeille en vous. À voir du 17 au 20 avril à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca. Le monde évolue, mais la série Commençons de Force Compétences au travail aide à s'adapter. Apprenez de nouvelles compétences, gagnez en confiance et allez de l'avant. Les manuels de la série Commençons sont gratuits et faciles à utiliser, en ligne, en tout temps et partout. Vous apprenez à votre rythme. Que ce soit pour chercher du travail ou progresser dans votre domaine, la série Commençons vous permet d'acquérir des compétences comme la collaboration, l'adaptabilité et la résolution de problèmes. Améliorez vos compétences pour le travail et la vie. Commençons à forcecompétencesautravail.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, on donne le coup d'envoi de cette nouvelle demi-heure avec un premier extrait d'un album à venir de la formation britannique Hats Off Gentlemen, It's Adequate. Ça va être le 8e album de cette formation londonienne et il sera intitulé The Uncertainty Principle. Un premier extrait a été lancé hier et c'est la pièce One Word That Means the World, une pièce qui est basée, inspirée par la crise de Cuba dans les années 60, qui porte sur un officier d'un sous-marin soviétique qui aurait refusé de lancer une bombe atomique sur les États-Unis. Et je ne sais pas si c'est un album concept et si tout l'album va porter sur cette histoire. Et puis c'est RPVL qui prendra la relève avec un extrait de l'album Beyond Man and Time, paru en 2012. C'est le 5e album studio pour cette formation allemande qui, je le rappelle, va nous visiter le 18 mai dans le cadre du festival Terra Incognita. Il y a encore des billets à vendre à la Chapelle Spectacle, si ça vous intéresse. Et puis Marc, par la suite, on a un des groupes issus de la nébuleuse Hawkwind. Oui, en effet, on aura un second extrait pour vous du nouvel album de la formation Orchestral qui a été fondé par un des membres fondateurs de Hawkwind, le bassiste Alan Davy. Il y a sur ça la participation du cofondateur Nick Turner et différents musiciens qui ont gravité autour de l'univers de Hawkwind. Alors, on aura pour vous un second extrait ce soir de cet album qui a pour titre Chaos Rocks et qui paraîtra le 12 avril. Alors, ce soir, on a choisi pour vous la pièce Class One Kid, et comme vous le disiez Michel, on débute d'abord avec une nouvelle pièce de la formation britannique Hats Off Gentlemen, It's Adequate. So strange the human world, so strange the human sea. Here I'll cast my fishing rod, catch what belongs to me. My happiness is what I'm throwing far into the world. Taste that honey of my heart, so golden and so sweet. High, high as a mountain. My honey is too high for you to reach. High, high as a mountain. We shall be the bridge over the valley so far. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Romantique, historique, dramatique, fantastique, science-fique, musique, comédique. Présentement à l'affiche. Festin boréal, Civil War, Exuma, Histoire sans parole, Harmonium symphonique, L'Homme-singe, Magnifica, La Mélédiction, Le commencement, Monkey Man, Soleil à Tikamek, The First Omen, Une année difficile et La zone d'intérêt. Clap.ca. Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Amplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25$. La Rotonde présente Bordélique, un spectacle de danse qui plonge dans les rêves et cauchemars de la créatrice Mélissa Martin, alias Melmaze. Trois interprètes nous embarquent dans une épopée colorée et débordante d'énergie. Créatures fantastiques, danse urbaine, Bordélique, c'est un spectacle adressé à l'enfant qui sommeille en vous. À voir du 17 au 20 avril à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca. Du 10 au 14 avril, découvrez les différentes voies du 9e art à l'occasion du 37e Festival Québec BD. Exposition, ateliers, animations et spectacles, participez à des activités 100% BD aux quatre coins de la ville et venez à la rencontre d'une foule d'auteurs et d'autrices. Explorez toute la programmation de cette 37e édition au festivalquebecbd.com. Ici Raymond Poirier. En route vers le 37e Festival Québec BD, l'équipe de La Vie en BD vous offre, dans ses émissions du 2 et du 9 avril, une forêt de 2 heures dans la programmation de cet événement incontournable dédié à la bande dessinée dans la capitale nationale. 1 heure d'entrevue avec le programmateur de l'événement, coup de cœur de libraire passionné de BD, rencontre avec des auteurs et autrices autour de moments phares de la programmation et plus. Disponible en rattrapage sur ckrl.qc.ca ou au lavieenbd.com. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres pour vous un extrait de l'avant-dernier album de la formation The Samurai of Prague, The Man in the Iron Mask, avec la participation du claviériste Oliviero Lacagnina, excellent compositeur et claviériste de la formation légendaire italienne Latte e Miele. On aura également une nouveauté de Ed Spin, qui est le projet de Andrew Coffin, un compositeur et guitariste britannique. C'est tiré de son plus récent album, Refractor, qui est paru au début mars, et on aura pour vous la pièce Rubberneck. On aura également la formation multinationale Proportions, qui compte dans ses rangs 2 musiciens suédois, 1 musicien américain et 1 québécois. Tiré de Conundrum, le plus récent album, on aura pour vous Sail with the Wind. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation d'origine italienne qui compte dans ses rangs plusieurs musiciens invités. Oui, c'est la formation Elsmere qui est en fait le projet de Roberto Vitelli, bassiste, claviériste et guitariste, on pourrait dire multi-instrumentiste un coup parti, et notamment on retrouve à la batterie Mathias Olsson, ex-Anglagard, et puis de nombreux invités dont Thomas Bodin, anciennement de Flower Kings, Clive Nolan de Arena Pendragon, John Hackett, David Jackson, de Van der Graaf Generator, ainsi que Ricardo Romano du groupe Rainest Rain, un groupe qui, incidemment, nous visitera le 19 mai prochain dans le cadre de la 17e édition du Festival Terra Incognita, qui se déroule à la Chapelle Spectacle. Voilà pour la liste des invités. Et on va écouter ce soir un extrait de l'album Stranger Skies, et c'est la pièce Northwards. Robin came to me last night. He said that land is out of sight. Departed on the morning swell, sails set to send my souls to hell. We're sailing on the sea of dreams. Your blood will curl to hear our screams. If squalls do ever raise their heads, we drink more rum and roar instead. Ships ahead to sack. There's only consciences we lack. We kill and pillage all for fun, all through the day till evening sun. No mercy shown and no respect. All suffering we do neglect. Shall always be trimmed. Slice through the waves. More sailors to send to their graves. More sailors to send to their graves. asked, is everything all right? He said the plague has hit our ship, so this will be a final trip. We sailed away to deeper seas, a place where never comes a breeze, and bodies lying all around. We know the shores for which we're bound. Why am I so hard? Old wind is singing death. Why am I so hard? So wind is singing so death. So and cold is my and death? Black as my heart, black as my eyes, black as my soul. Why am I so dark? Is closing death. Cold fall, ice in my heart. So wind shall come no more. Black as my heart, black as my heart. Why am I so hot? Wind is singing death. Why am I so hot? Wind is singing death. So cold, black as my heart, black as my eyes, black as my soul. Thank you. Some few days ago the king's son was born. Future ruler of the French dynasty. This child from the world and from history. We must find out where it is hidden. Of Richelieu. Stop this Bourbon's ascent to the throne. Our day has come. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Deux décennies de carrière auront permis à Kid Kuna d'assembler une œuvre musicale où l'insolence nourrit la beauté. Son dernier album double, Métastase, est acclamé par la critique. Il est sans équivoque l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus agiles de sa génération. Voyez Kid Kuna sur scène le 10 mai prochain à l'Impériale Belle de Québec. KidKuna.com pour toutes les dates de spectacle. CKRL. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres pour vous une longue pièce fleuve dont il s'en fait peu de cette qualité. Et on parle ici d'une formation italienne, Michel, dont les deux plus récents albums de composition originale sont vraiment excellents. Oui, effectivement, on peut dire que Logos a marqué des points avec ses deux derniers albums, L'Enigma de la Vita, paru en 2014, et Sadako et les Mille Gourous d'Écarta, en 2020. On va avoir la pièce-titre ce soir du plus récent album de cette formation italienne. Thank you. spadaco che guarda volando leggera, appesa alle mille gru di carta. Storie di guerra, natura nefasta, migliaia di anni da prima di Sparta. Scrivevano in tanti messaggi di pace, ognuno a suo modo esprimendo il dolore, col cuore imbevuto di un succo di pece, guardando impotenti la bimba che muore. Thank you. rosso infuriata, cambiando colore dal bianco all'arancio, fondendosi al sole. Non solo la morte ha lo stesso rumore, le guerre, la fame, la trama, il potere. Saracco ci ascolta, scioccata dal cielo degli uomini d'oggi, il brutale pensiero. Quando è morto l'altruismo, quanto regna lo prosperio, Dio, disgusto ed egoismo. Guerra conclure l'émission ce soir, on a retenu une pièce d'un groupe originaire des Pays-Bas, c'est-à-dire Sky Architect, un extrait de leur quatrième disque studio Nomade, paru en 2017. Incidemment, on a eu le plaisir de recevoir ces musiciens dans le cadre du festival Terra Incognita il y a bien des années. Et on espère toujours un nouvel album de ce groupe. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. L'autoroute suit dans quelques instants. Thank you.